Je vois ça, là. Il y a encore beaucoup de gens sont dans l'idée que c'est un cheminement volontaire, la conscience. Alors que la conscience, bien souvent, ça va contre l'ego. Ça ne peut pas être un cheminement. Ça peut pas être l'ego qui dit, ah, ben moi, je veux devenir conscient. Non, ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui vivent des épreuves dans leur vie, puis se rendent compte que les choses sont pas comme ils pensaient, puis sont pris pour intégrer une nouvelle part qui voyait pas. Tout simplement,